ce vendredi à la vie en BD, la suite de nos coups de cœur BD 2014. Vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, une heure pour parler du 9e art comme à tous les vendredis, et une heure où on portera une attention toute particulière à des coups de cœur bandes dessinées, donc des BD qui nous ont accrochés, qui nous ont marqués au fil de l'année passée, de l'année 2014. Et cette semaine, ce sera les coups de cœur de Marco Duchesne, notre libraire en résidence, donc libraire spécialisé BD chez Pantoute. Ce sera notre collaborateur Stéphane Gravel, et ce sera également un collègue de l'Association des critiques et journalistes de bandes dessinées, Nicolas Fréret de canolé.ca, qui sera avec nous cette semaine, donc, pour nous partager leur coup de cœur. Et je me suis réservé également quelques minutes au fil de l'émission pour vous partager les miens, une dizaine de titres qui m'ont séduit cette année pour diverses raisons. Et évidemment, puisqu'on est dans un début d'année, c'est toujours aussi un peu incontournable de parler d'autres palmarès, d'autres types de coups de cœur, des concours et autres prix. Et notamment, l'association Artemisia avait sélectionné, on s'en rappelle, une dizaine d'albums de bande dessinée pour une récompense exclusivement destinée aux femmes. C'est une récompense qui existe depuis quelques années. Et la 8e édition donc de ces prix vient de couronner tout récemment l'album Irmina de Barbara Yelin. Alors, l'histoire vraie d'une jeune Allemande, la grand-mère de Barbara Yelin, qui est partie en Angleterre dans les années 30, qui tombe amoureuse d'un brillant boursier d'Oxford, originaire de la Barbade. Et en fait, pourquoi donc on a choisi ce prix du côté d'Artemisia? Donc, on dit, et je cite, « La mise en perspective de cette histoire familiale au regard de la tragédie de l'histoire conduit sa dessinatrice à jongler avec honnêteté entre l'affection naturelle pour son personnage et la démonstration de sa compromission. Cette trajectoire dessine ainsi les contours d'une vie ratée, d'une vie où le « ce qui aurait pu » dégoûte de ce qui a été et résonne comme un avertissement contre la passivité et la résignation volontaire, montrant sans excuser la lâcheté d'un peuple en miroir de cette destinée. » Alors donc, Barbara Yelin avec Irmina pour le prix Artemisia 2015. Sinon, autre prix, celui de France Info. Donc, c'est l'album La Lune est blanche d'Emmanuel et François Lepage chez Futuropolis qui a été donc nommé, qui a été sélectionné au sein d'ailleurs d'une quinzaine de finalistes. Enfin, une douzaine. Les finalistes étaient Clandestino d'Aurel chez Glénat, Énergie extrême de Blancou et Lapoix chez Futuropolis, Être là de Christophe Dabic et donc plusieurs autres auteurs également chez Futuropolis, de Dargo Florange, Une lutte d'aujourd'hui de Tristan Thiel et Zoé Touron, Frères de terroir de Jacques Ferrandez et Yves Canbord à Rue de Sèvres, Journal d'une famine de Michel Dufresne et Séverine Lefebvre chez Lombard, Fantaisie des dieux, Rwanda 1994 d'Hippolyte et Patrick de Saint-Exupéry, La machine a influencé de Brooke Gladstone et Josh Neufeld chez Ça et Là, Les larmes du seigneur afghan de Campy Zabu et Pascal Bourgault chez Dupuis, Omaha Beach, 6 juin 1944 de Bertaille Morwan, Séverine Teruel chez Air Libre, et Yekini, le roi des arènes de Lisa Lugouin et de Clément Xavier chez FLBLB. Alors, je le rappelle, c'est La Lune est blanche d'Emmanuel et François Lepage qui a gagné ce prix. Et vous l'aurez deviné à la lecture des titres, c'est un prix qui récompense donc la bande dessinée d'actualité, la bande dessinée de reportage. Alors, si jamais vous cherchez, justement, des bons documentaires BD à vous mettre sous les yeux au fil des prochaines semaines, ça peut être, de toute évidence, une fort agréable sélection. Alors voilà donc pour ces petits clins d'œil. Et en musique, au fil de l'émission de cette semaine, ce sera la formation Bit Trash Riot qui nous accompagnera avec leur EP Neighborhood qui vient tout juste d'être rendu disponible sur Bandcamp. Et tiens, on en écoute immédiatement un premier extrait. We'll be right back. Et voilà, donc, petit extrait de Beat Trash Riot, ici à la vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que toutes les émissions sont disponibles sur notre blog en balado-diffusion, et ce, depuis les débuts de notre série, alors lavieenbd.wordpress.com. Et si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes la semaine dernière, et si vous n'avez pas nécessairement le temps de prendre des notes cette semaine, eh bien, on y retranscrira également les coups de cœur, les titres qui sont mentionnés par nos collaborateurs et nos divers invités. Et d'ailleurs, parlant d'invités et de collaborateurs, ben, j'en ai un avec nous au bout du fil, Stéphane Gravel. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane, t'as décidé de t'imposer un certain défi, c'est le mois, à l'image de Michel Giguère, en fait, la semaine dernière. Donc, l'idée de qu'il y a 12 mois dans l'année, et donc, que je ne peux pas te demander simplement un top 5, mais plutôt un top 12, une lecture au mois par mois. Donc, 12 coups de cœur pour 12 mois. Mais là, j'ai le goût de tout foutre en l'air le concept, là. Raymond, j'ai ma pile devant moi. J'ai pris des albums à chaque mois à essayer de me souvenir. Parce que les coups de cœur, souvent, c'est ce qui me vient en tête. Puis je me dis, je vais sortir ceux-là. Puis je suis pas content de mes coups de cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Recommences-tu? On n'a pas le choix. C'est ceux qui sont écrits. Alors, moi, je te donne tes titres et je te donne tes mois. Et vas-y, sinon, je te parle d'autre chose, moi. Alors, on commence en janvier avec Le chien qui louche d'Étienne Davodeau. Oui, il est paru ici en janvier, mais un peu plus tôt en France, bien sûr. Davodeau est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je pense qu'il ferait n'importe quoi. Il ferait pour moi une bonne bande dessinée. C'est quelqu'un qui a un talent de raconter, qui a un dessin qui plaît peut-être pas à tout le monde. Là, son trait en noir et blanc avec d'un réalisme un peu bizarre. Ses personnages sont pas nécessairement très beaux, mais je pense que ça plaît pas à tout le monde. Mais là, il raconte une histoire de tableaux et d'auteurs inconnus qui devrait être exposé au Louvre, et c'est une histoire riche, belle, poétique et super intéressante. J'ai beaucoup aimé cette BD-là. En février, en fait, et c'est un drôle de début d'année parce qu'il y a eu coup sur coup deux albums inspirés du Moby Dick d'Herman Melville, et il y en a une des deux qui t'a touché particulièrement. Ben, encore une fois, un peu la même affaire. Je pense que j'y ai été avec des coups de cœur qui frappent mon imaginaire, surtout, je dirais, surtout visuel. Chabouté a fait un Moby Dick qui, pour moi, est extraordinaire à cause de l'atmosphère visuelle qu'il y a là-dedans, le rythme du récit aussi qui est à quelque part très très lent, et c'est d'un noir et blanc qui est agressif, qui est dur, qui est près de la mer, qui est près du soleil, qui se couche à l'horizon et qui accentue tous les ombres. J'ai trouvé que Chabouté avait fait un Moby Dick tellement beau et tellement réconfortant qu'il m'a donné le goût de replonger dans une édition originale du livre pour lire pour vrai la source de cette histoire-là qui est Moby Dick. Et je veux dire que c'est solide, hein, ce livre-là. On a souvent lu des Moby Dick pour jeunes lorsqu'on était plus jeunes, mais les traductions à partir de l'œuvre originale sont vraiment extraordinaires. Et l'ampleur, d'ailleurs, parenthèse, de ce livre-là met bien en exergue le défi d'adaptation que représente un livre comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Tout le côté spirituel, le côté religieux, le côté sombre du personnage, la relation avec la haine, avec la peur. C'est vraiment Star Wars, absolument rien avec son Darth Vader, son tout petit à côté de Moby Dick. En mars, on passe à L'Ip des héros ordinaires, donc un livre à saveur documentaire sur un mouvement syndical assez particulier. Ben écoute, c'est une histoire qui me sonnait pas vraiment quelque chose. L'IP, qui est cette usine française qui faisait des montres et qui ont décidé de mettre les employés de fermer l'usine. En fin de compte, les employés se sont révoltés, ça a fait des émeutes, ça a créé des problèmes, mais on sort que c'est vraiment le début d'une force de regroupement, une force syndicale, une force qui est près de ceux qui travaillent. J'ai trouvé ça touchant comme BD parce que c'est extrêmement bien raconté et c'est pas une aujourd'hui on pourrait penser qu'on pourrait tomber dans une espèce de BD entre guillemets gauche nostalgique d'un temps où les syndicats étaient plus forts qu'aujourd'hui, mais dans des conditions économiques où on est aujourd'hui avec les boutiques qui ferment dans les centres d'achat, avec les coupures qu'il y a de plus en plus partout, ben je pense que s'il y a une belle leçon de regroupement et une belle leçon à apprendre que l'humain est plus fort que qu'est-ce qu'il pense l'individu est plus fort que ce qu'il croit devant la force de l'économie, à fin de compte. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement touchant, extrêmement beau. En avril, rouge comme la neige. Ça, c'est une BD qui m'a... c'est vraiment un de mes coups de cœur au-delà d'un mois, mais de l'année. Rouge est une histoire d'une conquête et d'une quête dans un ouest américain du temps des cowboys assez dur. C'est une histoire qui est extrêmement codée western, vengeance, retrouver un enfant perdu, mais c'est que le traitement est extrêmement bien, c'est extrêmement bien rendu. Il y a une lourdeur qui est intéressante. On porte cette bande dessinée-là sur notre dos. Il fait froid, on le sent. Les personnages sont durs, on le sent. Écoute, c'est une belle trouvaille pour moi de l'auteur Christian Demeter. Là, je pensais jamais que en commençant cette bande dessinée-là que j'allais en sortir avec un coup de cœur comme celui-là. Et en mai, peut-être que c'est un coup de cœur qui t'arrive un peu moins par surprise, parce que si je ne me trompe pas, c'est une série manga que t'affectionnes particulièrement. Je suis chanceux, il en sort un tome à tous les ans, puis je le sors à tous les ans. La vie de Mizuki, écoute, c'est incroyable le travail et la quantité qu'il y a là-dedans. On en est au tome 3, mais encore une fois, un tome 3 d'un nombre de pages qui tourne autour de 500 pages. Oui, c'est du manga. Parfois, on a l'impression qu'on est dans du manga conventionnel, grands yeux avec un personnage de mini-fille, là. Mais Mizuki raconte un peu comme Trondheim avait pu le faire dans le passé, dans certaines bandes dessinées autobiographiques. Il raconte son histoire avec humour, avec légèreté, mais avec une documentation historique et une documentation de son Japon alentour de lui qui est extraordinaire. Le tome 3, il s'appelle l'apprenti, donc il commence à vouloir travailler comme mandaka. On voit toute la pression des pères, toute la violence qu'on lui inflige pour qu'il devienne de plus en plus bon, qu'il devienne meilleur. Moi, j'aurais jamais vécu dans un monde comme ça, mais c'est extrêmement bien raconté. Écoute, c'est lui qui avait fait le Hitler aussi, mm-hmm. Là, un Hitler japonais qui était suave, là, c'est extraordinaire. Oui, enfin, un auteur, je pense, à date, à chaque année, tu nous en parles justement de cet auteur-là. Donc, c'est, je pense qu'à un moment donné, il va falloir comprendre que ça vaut la peine d'aller l'essayer. Là, il y a vraiment quelque chose, ce gars-là. En juin, un livre qui a été primé, d'ailleurs, ça et là, ou à tout le moins cité dans plusieurs palmarès, L'Arabe du futur. Ben écoute, Riyad Satouf est un auteur qui frôle le génie. Là, lui aussi est en autobiographie, mais c'est un Woody Allen moyen-oriental. Là. C'est un pauvre type qui ne cesse de se remettre en question. Dans ce volume-là, un peu comme, j'oserais dire, le premier tome de Ma vie Mizuki, c'est lui dans sa jeunesse, une jeunesse qui se passe entre 78 et 84, une jeunesse où il met beaucoup en place les structures politiques du Moyen-Orient. Il réussit à très bien le faire, puis encore une fois, avec beaucoup d'humour. J'espère et je souhaite, puis je suis pas mal sûr qu'il va y avoir une suite à ça. Puis, aujourd'hui, ça fait du bien aussi avec les risques d'amalgame qu'il y a dans toutes nos conversations face au Moyen-Orient, de lire un album comme ça où on voit que c'est pas eux le problème, ce n'est que des personnes qui font partie... font partie d'un groupe, là. En juillet, on sent que tu as été peut-être un petit peu plus dans le parc, un peu plus relax, avec l'intégrale Natacha, ton coup de cœur. J'aurais aimé ça, aller un petit peu plus là-dedans. Je trouve qu'on oublie, on dirait que, bon, c'est l'été, il y a une intégrale Natacha qui sort, je partage Natacha avec plaisir, avec mes deux enfants qui l'aiment beaucoup, je sais pas pourquoi, mes deux garçons en passant. Et puis, et là... je reviens dans ma jeunesse, je reviens dans l'univers typique de Dupuis et du journal Spirou, avec des aventures qui sont qui sont brillantes, qui sont bien dessinées, où on sent qu'il y a toute la mécanique derrière Walteri, on sent qu'il y a des scénarios qui sont travaillés par Mitei, Peyot, Thieux, Martens, des gens qui sont établis à l'intérieur d'une école. Et là, j'avais le feeling de lire vraiment de la BD franco-belge. Oui, c'est vrai, ça relaxe, mais oui, je suis pas dans les romans graphiques, quoique c'est toujours aussi épais, là. Mais j'ai l'impression que parfois, avec tout ce qu'on lit, avec tous les coups de cœur qu'on offre, avec toutes les choses qu'on dit, qu'on oublie la bande dessinée, entre guillemets, je sais pas comment l'appeler, niaiseuse, la bande dessinée qu'on pense qu'elle est, qu'elle s'adresse aux petits. J'aurais peut-être aimé ça parler du dernier Tunique Bleue qui est extraordinaire, le Largo Winch qui est le fun, Scorpion qui est agréable à lire, la réédition de Partie de chasse qui est un chef-d'œuvre, de la BD pour le plaisir de lire de la BD. C'est ça que m'a offert Natacha cet été. Et là, on se lance dans l'automne et le début de l'hiver. Il nous reste 3 minutes pour les 4 derniers mois. Et on se lance en septembre avec Perico, tomes 1 et 2. Perico, on reste dans la BD classique. C'est la BD bien, mais tellement bien faite de Philippe Berthet et de Régis Hautière. C'est un album qui se tient en deux albums. C'est-à-dire que c'est un diptyque qui est bien, qui est fort, qui est surtout extrêmement bien dessiné. Et encore une fois, là, on est dans la BD dite, pour moi, là, dans la BD dite classique, on est encore, entre guillemets, dans l'école, on est dans l'école franco-belge et dans la suite un peu de ce qu'on pouvait voir quand Berthet faisait le Pulvé d'Hollywood, exemple, dans le magazine Spirou. J'ai beaucoup aimé ça. C'est pas compliqué, mais c'est bon. En octobre, enfin, un titre qui figure aussi parmi mes incontournables de l'année, Moi, Assassin. Écoute, il doit être dans les incontournables d'à peu près tout le monde. Oh, oui. C'est une adaptation qui est extraordinaire. C'est un récit qui est accrocheur, qui est raconté avec, il y a une forme scénaristique dans ça qui est extrêmement forte, qui est extrêmement puissante. On embarque dans ce personnage-là avec, on aimait beaucoup Le Tueur qui est la série qui était parue chez Casterman parce qu'il y avait une autre dimension que celle de tuer au tueur et c'était tout le côté psychologique. Et dans Moi, Assassin, on a cette espèce de côté psychologique-là aussi, mais avec un dessin qui est tellement fort, un peu comme le Moby Dick de Chabouté, là. C'est carré, c'est dur, mais ça sert le récit, et les touches de rouge sont extraordinaires dans cette BD-là, là. Écoute, j'ai adoré ça. Novembre, Little Tulip. Écoute, j'ai eu de la difficulté à embarquer dans cette bande dessinée-là. Fouille-moi pourquoi. Peut-être un peu tanné de l'univers de Book, je le sais pas. Et j'avais l'impression que j'allais lire une bande dessinée des années 80, peut-être. Mais quand j'ai embarqué, quand j'ai commencé à lire cette BD-là, j'ai trouvé qu'il y avait... D'abord, Charin est un scénariste qui est extraordinaire. C'est un raconteur d'histoire qui est sublime. Et là, avec le jumelage qu'il fait avec Book, c'est son... c'est pas son premier, mais il avait fait La Bouche du Diable il y a un bon moment, et on est encore un peu dans cet univers-là, mais tout est renouvelé, tout est bon. C'est alentour du... C'est une histoire qui gravite alentour du tatouage, et c'est l'évolution d'un personnage qui va de plus en plus aimer et adorer le tatouage. Mais ça, c'est vraiment la mini-trame de base de ce récit-là, parce qu'il se passe énormément de choses à l'entour de ce personnage-là qui est, à fin de compte, un dessinateur sublime qui est capable de, selon la description de quelqu'un, d'aller dessiner un visage au poste de police. Donc, on s'en sert beaucoup, mais on découvre le passé de ce personnage mystérieux-là, et c'est extrêmement bien raconté, extrêmement bien fait. Et il nous reste 20 secondes pour décembre, le Calavera du grand Charles Burns. Ça donne super bien chez Cornelius. Burns fait une série, un triptyque pour l'instant, qui est extraordinaire, qui est d'une beauté remarquable, avec une histoire d'une déconstruction phénoménale, ce qui fait que je ne comprends absolument rien de ce que je lis quand je lis ça, mais j'aime ça pareil. C'est un monde onirique, c'est un monde éclaté, avec un dessin jamais vu. Il y a juste lui qui dessine comme ça, il y a juste lui qui raconte comme ça. Puis j'oserais dire que c'est un hommage extraordinaire à Tintin, mais là, il faut le trouver. Stéphane Gravel, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis on se dit à très bientôt. OK. Ciao. Bye. Alors voilà, c'était les coups de cœur BD 2014 de notre collaborateur Stéphane Gravel. Voilà, toujours à l'écoute de La Vie en BD, avec toujours des petits fonds musicaux cette semaine, courtoisie de Bit Trash Riot. Et ben, c'est maintenant mon tour, en fait, de vous partager mes coups de cœur. Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai pensé, je m'en suis sorti une dizaine, mais bon, on va survivre avec ça et avec le temps qui m'est imparti. J'ai divisé ça en deux sections, d'un côté les titres québécois et d'un autre côté les titres internationaux. Dans les titres québécois, ben notamment, en fait, coup de cœur pour une deuxième année, en fait, promise de Michael au dessin de Thierry Lamy, au scénario bande dessinée que j'avais beaucoup aimé l'année dernière, donc un premier tome qui était plein de promesses, et j'ai l'impression des promesses qui ont été véritablement avalisées avec le deuxième tome, donc une ambiance très forte, un dessin qui est solide, un scénario qui est solide, un crescendo qui est efficace, avec pas trop de questions qui restent en suspens, juste assez pour nous donner envie de poursuivre, mais sans avoir l'impression qu'on se met devant un défi insurmontable pour le troisième tome et de répondre à une panoplie de trucs. Alors vraiment, donc un bel équilibre de ce côté-là. Alors, je dirais pas une belle surprise parce que j'avais des belles attentes, mais plutôt des belles attentes qui ont été entièrement répondues et plus. Autre titre québécois, eh bien, Le bestiaire des fruits de Zviane, du côté de la pastèque. Probablement la BD québécoise qui m'a fait le plus rigoler cette année. Zviane qui, essentiellement, va déguster pour nous des fruits exotiques et qui nous transmet le résultat de cette enquête, entre guillemets, avec cote, note, analyse. Et la force de ça, c'est qu'évidemment... avec un argument comme cela, ça aurait pu être très plat, mais non, au contraire, c'est rigolo, c'est dynamique, c'est varié, et finalement, chaque séance de dégustation devient aussi, si on peut dire, une nouvelle expérience pour le lecteur, avec la folie qu'elle maîtrise bien dans cet album, donc vraiment sympathique. Autre titre, J'aime les filles de Diana Bumsawin du côté de Loi de Cravane. Diana Bumsawin qui nous revient avec un titre vraiment très personnel, un titre très intime, un répertoire de témoignages autour justement d'amour lesbienne, d'amour entre femmes, beaucoup de premières fois, des premiers baisers, des premiers kicks, des premières trahisons, des premières fois qu'on fait l'amour, etc., etc. Donc, des témoignages qui viennent soit de son expérience, soit d'expérience de ses proches et qui sont transmis avec respect, avec subtilité, avec efficacité, avec simplicité, voire avec même un peu de naïveté aussi à travers ça. La naïveté dont est capable Diana Bumsawin, c'est vraiment une auteure que j'adore et c'est un livre à son égal. Autre titre, Chronique du Centre-Sud de Richard Suicide aux éditions Pow Pow. Un regard sur un quartier un peu dur du côté de Montréal, le quartier Centre-Sud. Un regard dans le passé pour Richard Suicide qui se remémore les années qu'il a passées là et ce quartier qu'il a vu se transformer au fil du temps. Un livre qui se lit un peu à la manière d'un ouvrage documentaire avec différentes sections, différents chapitres. Certains qui nous amènent plutôt visiter le quartier et ses lieux incontournables et d'autres à travers les il porte un regard sur son voisin, sur ses voisins, qu'il analyse, mais jamais en tombant dans le mépris, toujours en restant, donc avec un humour, certes, mais un humour quand même respectueux au bout du compte de ces personnes-là qui vivent dans une réalité qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc un truc vraiment très réussi avec un dessin très touffu également, en Chronique du Centre-Sud. Et dernier titre, je l'ai mis dans les Québécois parce que je me suis dit, regardez, Régis Loisel, Jean-Louis Tripp habitent au Québec depuis quoi, une dizaine d'années et plus. C'est le coloriste est au Québec, etc. Alors, en plus, ça se passe au Québec. Alors, pour ces critères-là, bon, ils sont pas nationalisés canadiens à ma connaissance, mais bon, ça ne compte pas. Je considère que c'est un livre québécois. Pourquoi pas? C'est mon palmarès. Alors, Magasin Général, la série entière, tout simplement, parce que ben, reste que c'est une série extrêmement réussie, une série qui s'est donné le luxe d'être lente, de prendre son temps, et c'est, comme le disait si bien Jean-Dominique Leduc la semaine dernière, vraiment à travers la lecture successive des tomes qu'on découvre justement la richesse de cette proposition. Au niveau des choix internationaux, eh ben Stéphane Gravel vient de le mentionner, Moi assassin chez De Noël, un incontournable. En fait, je vous dirais, vous aimez la BD, vous avez envie de, c'est quand même bon, quelque chose d'assez sombre, évidemment, vous avez envie de quelque chose de sombre, ben allez le lire. Tout simplement, je pense que on en a parlé déjà un peu, on va sûrement en reparler en cours de route. Ça a gagné le prix de la CBD, entre autres récompenses, et c'est parfaitement mérité. Donc ça vaut la peine. Sinon, Punk Rock and Mobile Homes de Derf Back Derf, j'avais adoré l'année dernière mon ami Damer, et plusieurs avaient eu la même réaction, ce qui fait que l'éditeur Saïla avait été chercher ensuite le livre qu'il avait publié en anglais avant d'offrir mon ami Damer. C'était Punk Rock and Mobile Homes. Alors j'ai en fait un véritable récit initiatique très solide qui nous amène justement en Ohio où des jeunes en pleine adolescence sexualisés, en plein regard un peu disons d'apprentissage des réalités de l'existence et au contact donc de la scène punk rock de l'époque, on est dans les années début 80, et ben donc découvre un peu des premiers contacts avec certains pans d'existence. C'est très solide également. Vous êtes tous jaloux de mon Jetpack de Tom Gold. Pourquoi? J'avais beaucoup aimé Goliath l'année dernière, et dans ce cas-ci, on est dans complètement autre chose. C'est une série de petits strips de trois cases ou des strips un peu déstructurés. Et c'est essentiellement des blagues absolument absurdes. Et personnellement, j'adore l'humour absurde. Alors, je me suis vraiment retrouvé dans mon terrain avec ce bouquin-là. Ça plaira pas à tout le monde, mais si vous êtes féru de trucs particulier, de propositions inopinées, parfois très drôles, parfois un peu moins, mais bon, il y en a beaucoup, alors on trouve notre compte de toute façon, et bien ça reste très solide. Et si on reste dans l'absurde, il y a aussi la proposition Fran de Jim Rundring, dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, l'an dernier, en fait, un bouquin muet. Je trippe pas personnellement, j'adore pas les bouquins muets, mais celui-là est venu me chercher. En fait, il est efficace au point où on oublie qu'il n'a pas de parole, on suit l'action, une action complètement délurée. Dans la lignée de ses précédents ouvrages de sa série Frank, ça vaut la peine également d'y jeter un coup d'œil. Et enfin, dernier titre, Les incidents de la nuit, le deuxième tome de David Bay, un auteur que j'adore, qui nous amène dans l'univers de ses rêves, dans l'univers des rêves, qui crée une mythologie de manière tellement efficace, de manière tellement magique également, et qui nous donne envie de plonger avec lui dans cet univers-là, de le découvrir. C'est très bon, en fait, j'en dis pas plus, mais si vous avez l'occasion de mettre la main sur Les incidents de la nuit, tome 1 et 2, eh ben il faut, tout simplement, là, je vous donne ma très forte recommandation de ce côté. Alors voilà pour mon petit palmarès, on prend une courte pause, on revient tout de suite après. Encore à venir, Nicolas Fréret, Marco Duchesne et leur coup de cœur. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Pour une troisième année, la Ligue québécoise L'Impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 18 janvier 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise L'Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Je m'appelle Cléo. Et je suis un chien Saint-Bernard femelle. La pièce de théâtre La Guerre des Tuques est de retour pour 10 représentations seulement. Dans un texte décapant et une mise en scène originale de Fabien Cloutier. Du 29 janvier au 8 février au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Une production originale du Théâtre Sous Zéro. Informations et réservations sur le site du musée. Ce vendredi, en plus du gros lot évalué à 50 millions, l'Automax offre environ 11 chances additionnelles de gagner des lots de 1 million avec les Max Millions. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Deux jours, une nuit. Le jeu de l'imitation. Les 2014 Lions de Cannes. Les rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec présentent Ruse ou traité et Vice caché. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation, Deux jours, une nuit. Les 2014 Lions de Cannes. Les aventuriers voyageurs présentent Corse. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée, au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. CKRL 89.1 Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle également que vous pouvez suivre l'émission sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Également, vous pouvez me suivre sur mon blog personnel, voir.ca/raymond-poirier. Et on poursuit avec les coups de cœur 2014 de collègues, d'invités, par collègues au sens large également, puisque j'en ai quelques-uns au Québec via l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Alors, l'un de ceux-ci est au bout du fil avec nous, il est commentateur BD pour canoë.ca. Nicolas Fréret, salut. Salut Raymond. Alors, d'attaque pour quelques coups de cœur, une bonne année BD pour toi 2014? Oh, oui, je trouve que oui. Oh, oui, c'est une... Il y a eu beaucoup de choses, c'est difficile, de toute façon, c'est difficile de déterminer des coups de cœur ou nos albums préférés. Dès l'instant où c'est difficile, c'est-à-dire je pense que c'est une bonne année. Je suis plus, pour être tout à fait honnête, je suis plus un peu déçu côté québécois cette année. C'est pour ça que mes coups de cœur sont malheureusement un peu trop de l'autre côté de l'Atlantique. Mais je suis sûr que 2015 va nous apporter plein de bonnes choses. Et au niveau des titres, évidemment, il y en a qui sont presque incontournables, notamment ouais. Blast, tome 4 de Manu Larcenet. Oui, bah celui-ci, c'est vraiment, pour moi, l'incontournable des incontournables. J'ai dit que c'était un chef-d'œuvre de A à Z, je le redis sans aucun problème. Pour moi, c'est vraiment l'album de bande dessinée que j'ai préféré depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas été remué comme ça par un album de bande dessinée. C'est un thriller psychologique d'une noirceur absolue. C'est donc Manu Larcenet qui est l'auteur de ce bouquin-là. D'ailleurs, il me semble que l'année dernière, Blast était aussi dans mes coups de cœur. Et donc là, il a terminé avec ce quatrième tome. Au total, ça fait 800 pages et d'une densité assez phénoménale, une intensité démentielle parce que on est chaque page nous met dans un état assez incroyable. Le suspense est haletant. C'est difficile de résumer l'histoire. On est dans un interrogatoire. On a en face de nous Paul Zamantini, qui est un gros bonhomme, crade, sale, mais visiblement totalement brillant et qui s'amuse avec ceux qui l'interrogent. Et puis donc il essaie de nous raconter ou nous expliquer son itinéraire de sans-abri, d'alcoolique, etc. Et là il est là pour expliquer pourquoi il a priori tué une jeune femme. Voilà, je trouve tout formidable, le dessin est fabuleux. Manu Larcenet a cette capacité d'aller quand il va dans l'humour dans le dessin très simple, efficace pour son humour, et puis quand il est sur un sujet grave comme celui-ci, parce que c'est un sujet grave, arriver à faire un dessin absolument splendide. On est dans l'artistique. Et puis Blast, pour le titre, Blast, c'est l'état dans lequel Paul Zamantini se retrouve à un certain moment de son existence, et qui ressemble à quelque chose qui doit être l'état de d'un toxicomane quand il se shoot au point fort, quoi. Et autre titre aussi, je disais tout à l'heure, on est un peu dans les incontournables. Celui-là, il faisait partie de mes coups de cœur. Il fait partie des coups de cœur de plusieurs des intervenants aussi qu'on a rencontrés dans le cadre de La Vie en BD. C'est Moi Assassin, et c'est pas pour rien non plus qu'il y a eu le Grand Prix à CBD, il faut le dire, là. Non, c'est une claque, Moi Assassin. Moi, je l'ai lu, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je l'ai lu dans le cadre de la sélection. Je l'avais pas remarqué avant, il m'est arrivé dans les mains un peu par hasard, et je me suis pris une claque monumentale. J'ai lu ce truc-là, en me disant mais c'est pas possible, c'est hyper dérangeant. On a ce professeur éminent d'art d'esthétique, je crois, qui finalement est un tueur en série. Et puis il raconte en fait ses meurtres. Il en a des dizaines et des dizaines avec beaucoup de détachement. Pour lui, tuer est un art et il ne faut surtout pas tuer plusieurs fois de la même façon. Et à chaque fois, il essaie de reproduire une œuvre qui a déjà été faite, mais évidemment, sauf que lui, sa matière, c'est le sang et c'est l'humain. C'est vraiment un bouquin à lire. Stéphane parlait tout à l'heure de la couleur. La couleur a un impact incroyable sur le scénario, noir, blanc, rouge. Rouge pour le sang, évidemment. Ça, c'est d'une efficacité irréprochable. Et puis Antonio Altarriba, là, qui est un Espagnol qui s'est mis sur la BD assez sur le tard. C'est une critique aussi, c'est un critique de bande dessinée en Espagne. Et lui, enfin voilà, il fait que du bon, quoi. Il avait fait L'Art de voler il y a 2 ans ou quelque chose comme ça, qui était déjà, il racontait l'itinéraire de son grand-père, si je ne m'abuse, pas son père, son grand-père, pendant la guerre civile en Espagne. Et puis c'est pareil, là, j'en profite pour vous le conseiller, L'Art de voler, là, c'est un must. Et sinon, en fait, on amène avec ton prochain titre un peu la question justement d'un regard sur le Moyen-Orient. Stéphane disait tout à l'heure en le mentionnant que ça devenait presque des albums nécessaires dans le contexte où on cherche à comprendre un peu mieux aussi la situation géopolitique, la réalité terrain là-bas. L'Arabe du futur de Riyad Satouf. Ouais, je sais pas si ça nous aide. Oui, peut-être que ça nous aide à expliquer dans le sens où ce qu'arrive à faire Riyad Satouf, c'est à nous mettre à sa place. Il arrive vraiment à nous mettre à sa place. Bon, c'était un petit garçon. Il raconte, pour l'instant, dans l'étape où il est encore un petit garçon, qui se retrouve alors qu'il a finalement quand même une culture occidentale, même si son papa est syrien, qui se retrouve du jour au lendemain en Libye, puis en Syrie, donc avec un choc de culture. Il nous raconte ça et il parvient à nous mettre à sa place. Et effectivement, le choc de culture est présent à tous les niveaux, le mode de réflexion, la religion, etc. Donc c'est vrai que, oui, on arrive peut-être à comprendre un peu mieux à travers ses yeux. Et puis lui, comme il a comme ce droit, il est sans concession avec d'abord, il n'y a pas de critique, puisque c'est vraiment une description de ce qu'il a vécu, mais il parle de la religion musulmane, il parle de cette culture musulmane, et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça peut être intéressant pour nous, les Occidentaux, plutôt qui avons plutôt une culture judéo-chrétienne, et puis donc oui, mais ça c'est pareil, hein, effectivement, je suis pas très original en choisissant L'Arabe du futur, mais bon, moi j'ai toujours aimé Riyad Satouf. J'avais commencé Riyad Satouf avec Le Petit Puceau. C'était exactement le même genre de narration. C'était aussi au Moyen-Orient. Il raconte quand il s'est fait supprimer ce prépuce, et une histoire qui était assez délicate pour lui. Et voilà, il est bon, tout à l'heure on parlait de génie. Je sais pas si c'est un génie, mais c'est un as de la bande dessinée, ça c'est certain. Il a le truc, quoi. Il n'y a pas de déchet avec lui, c'est tout de suite efficace. Et comme tu dis, en même temps, bon, c'est pas nécessairement des choix entre guillemets originaux, mais d'un autre côté, quand des choix font l'unanimité, c'est aussi parce que c'est des incontournables. Je pense, ouais. Nicolas Fréret, tous les titres que tu mentionnes à date, ça reste pour moi aussi des incontournables de lecture cette année. Et autre titre, 9e tome qui est arrivé en 2014 au Magasin Général, donc la série s'est conclue, et tu l'as mis aussi dans tes coups de cœur, pour la série intégrale, évidemment. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour le tome, pour ce qu'il est, mais parce que ça clôture une merveilleuse série. Magasin Général, moi j'ai eu la chance de le lire quasiment d'une traite, puisque j'ai commencé quand le 8e est sorti, il n'y a pas si longtemps, et j'ai tout lu d'un coup, et j'ai pris une bouffée de bien-être. C'est une belle histoire, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de lenteur, pas d'animosité dans cette bande dessinée-là. Le dessin est joli, l'histoire est belle, c'est pas naïf, c'est tous les mots que j'emploie là, on pourrait penser que c'est une belle petite histoire niaiseuse, mais pas du tout. C'est un chouette récit. On est dans le Québec des années 20, on a un village qui va, grâce à l'arrivée de Serge, et puis aussi du curé régent, se métamorphoser, passer tout doucement, aller vers la révolution tranquille. Et puis je trouve que c'est chouette. Il y a de l'histoire aussi. Il y a de l'histoire du Québec là-dedans. Et le dessin est superbe aussi, il faut dire. Splendide. L'équipe Loisel et Trip font du boulot génial. Loisel, de toute façon, est génial. Et puis moi, ce que je tiens à noter, c'est que Loisel et Trip sont maintenant quasiment québécois. Ils vivent ici. Ils sont des Français à la base, mais ils ont eu un excellent réflexe, une bonne attitude en faisant travailler avec eux deux Québécois pure laine, Jimmy Beaulieu qui fait l'adaptation du dialogue, pour ne surtout pas surjouer comme font beaucoup les Français quand ils essayent d'imiter les Québécois. Là on a, je pense, je suis pas le mieux placé pour le dire, mais en tout cas j'ai l'impression un Joual qui est retranscrit à la perfection. En tout cas on sent pas de fausses notes. Et puis le travail de François Lapierre qui suit Loisel depuis un petit moment, on est à la couleur, mais c'est un album magnifique, quoi. C'est une série magnifique. Il faut avoir cette série là dans sa BD Tech, c'est obligatoire. Et dernier titre, on reste un peu dans le québécois. On était dans le québécois par alliance, mais j'ai envie de dire, en fait, je le disais tout à l'heure, Magasin Général. Moi, je le mets dans le paquet québécois. Moi aussi. Sincèrement, moi aussi. Ouais. Et dernier titre dans tes coups de cœur. Il nous reste un petit 2 minutes. 23h72 de Blanc aux éditions Papao. Ouais, bon, ça, c'est presque, ouais, mon coup de cœur de fin d'année, celui-là. J'ai vraiment rigolé en lisant ce truc-là. C'est Jean-Christophe qui renaît de ses cendres. Là, de mort, il passe à vivant. Mais alors, on n'est pas du tout dans une histoire glauque où le mort-vivant fait peur à tout le monde. Non, là, il revient parmi les vivants. Puis ça semble pas plus extraordinaire que ça aux gens qui croisent. La première personne vers laquelle il va, c'est sa femme, enfin ou son ex petite amie qui a déjà retrouvé, ça fait 9 mois qu'il est mort, mais elle a déjà retrouvé quelqu'un, et puis elle lui dit une phrase, c'est dommage j'ai pas la phrase exacte, mais ça m'avait marqué, le bol de la toilette ça passe encore, mais alors revenir alors que t'es mort c'est trop. Et donc elle lui ferme la porte au nez. Bon, déjà je trouve que c'est assez rigolo. Et donc il retourne ensuite chez son meilleur ami, parce que évidemment il essaie de chercher où aller, il comprend pas ce qui lui arrive, et puis il sait pas comment il va solutionner ce problème là et puis son meilleur ami lui va lui faire un meilleur accueil, et il va squatter chez cet ami là et puis voilà, après c'est tout le dialogue qui s'inscrit dans le champ lexical de la mort, du retour de la mort. Tout est drôle, c'est pas une idée qui se prend la tête. C'est une BD qui divertit, mais elle est efficace, elle est réussie, et je pense que c'est vraiment une BD qu'il faut lire. Voilà. Voilà. On fait un beau petit survol en ta compagnie, Nicolas Fréret. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie, Raymond, avec plaisir. Puis on se dit à la prochaine. Bonne fin d'émission. Merci. Bye. Alors voilà, c'était les coups de cœur BD 2014 de Nicolas Fréret. Vous pouvez d'ailleurs lire Nicolas et ses commentaires BD sur canoë.ca. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Dernier petit extrait, donc, de la formation Beat Thrasher Riot. C'est le EP Neighborhood, qui est disponible d'ailleurs sur le Bandcamp de la formation. Et on accueille maintenant, en fait, j'ai décidé de t'appeler notre libraire en résidence, libraire spécialisé en BD chez Pantoute et collaborateur régulier de l'émission, Marco Duchesne. Salut. Merci. Salut. Ça va bien? Oui. Et Marco, en fait, de ton côté, on s'éloigne un peu de la formule coup de cœur personnel parce que du côté de la librairie, vous avez décidé, il y a quelques années, vous avez instauré une tradition. En fait, je m'éloigne du coup de cœur personnel, mais pas tant que ça, puisque le libraire n'est jamais très loin, moi, dans les choix que je fais. Et que, en fait, il y a l'année passée, en 2013, on a commencé à identifier nos coups de cœur. On est trois libraires qui s'intéressons à la librairie, à la BD, et trois libraires qui s'occupons de la section, mm-hmm. à placer les BD et tout, et qui en lisons beaucoup. Les autres libraires en lisent un peu, mais trois libraires qui animent la section. Moi-même, Édouard Tremblay, et Anne-Marie Genet. Alors, c'est mes trois collègues, mes deux collègues et moi, on a identifié nos coups de cœur personnels au cours de l'année avec des boutons, des mm-hmm. macarons. Chacun a pris une icône. Pour Anne-Marie Genet, c'est une icône qu'elle a appelée Jane Austen Approve, approuvée par Jane Austen pour ses choix, vu qu'elle aime beaucoup le roman graphique. Et comme c'est en la fille, c'est les sentiments, les émotions qui priment plus de son côté, les histoires mm-hmm. plus graves. Et chacun a sa sensibilité. Oui, ouais, non, tout à fait. C'est pas péjoratif mm-hmm. dans le sens de... les romans graphiques est beaucoup plus ouverte à pas ouverte mais beaucoup plus sensible à ça que nous. Pour ce qui est d'Édouard Tremblay, qui lui s'occupe de notre section fantastique, horreur, science-fiction et surtout un grand fan de fantasy dans notre section littérature. En BD, ses choix se reflètent aussi là-dessus. Alors, lui, son bouton, son macaron et le barbare, c'est presque sa seconde nature. Alors, barbare approuve. Pour lui, c'est plus les BD de fantasy qui parlent. Et c'est un historien de formation. Mm-hmm. Il est beaucoup plus attentionné à la BD historique. Et moi, ça m'a donné une autre paire de yeux. Il m'a vraiment presque initié à ce genre-là qui... somme toute, m'intéressait moins. De mon côté, comme j'aime beaucoup l'action, les bonnes séries... On a appris à te connaître au fil des chroniques. Ouais, voilà. Alors, moi, mon bouton est identifié par Bruce Willis, un acteur que j'aime beaucoup dans les films d'action. Oui, et ton sosie dans la vie. Et qui est presque mon sosie dans la vie. Alors, donc, c'est le... Bruce Willis approuve. Et on a deux catégories. Une avec les comics américains. On a une bonne section maintenant de comics, de traduction de comics américains. Et on a le prix Shield. On a le bouton identifié Shield, qui fait référence, évidemment, à l'agence dans Marvel. Et finalement, quand tout le monde est d'accord, quand on se parle et quand on a le même choix pour tout le monde, on a les trois mousquetaires approuvés. Donc, à force d'identifier, à la fin de l'année 2013, on s'était dit avec Édouard et Anne-Marie, on s'était dit, et si on remettait nous aussi des prix? Et alors, on a créé six catégories qu'on a baptisées par nos groupes et on a donner des médailles d'or, des médailles de bronze, des médailles, et on a fait un panneau avec nos récompenses. Et qui sont-ils? Qui gagnent-ils? Voyant que ceci était bon, on a recommencé cette année. Mm-hmm. Alors, c'est la deuxième édition des Pantoute Awards. La deuxième édition des Pantoute, des récompenses Pantoute. Alors, cette année, à quoi ça ressemble? Alors, dans la catégorie, je te dirais Shield, de traduction de comics américains, qui est choisi un peu au courant de l'année par moi et Édouard. Alors, ce prix Shield, cette année, la médaille d'or, on a des médailles d'argent et de bronze. Passons vite, parce que la médaille de bronze, c'est Before Watchmen, qui a été la séquelle de Watchmen, le mm-hmm. fameux roman graphique. Ouais, oui, préquel, c'est vrai ouais. que ça venait avant. Alors, Before Watchmen, qui est celui, le tome 1. Édouard avait choisi le tome 1 qui était fait par Darren Cook. Ensuite, Transmétropolitaine, une des premières séries qu'avait fait Warren Ellis mm-hmm. à l'époque, qui donnait le Shield d'argent. Mais unanimement, moi et Édouard avons adoré la nouvelle série que fait Jonathan Hickman chez Urban Comics qui s'appelle East of West, une série post-apocalyptique où les quatre chevaliers de l'apocalypse essaient de, dans un monde où les États-Unis sont séparés en sept nations, essaient de foutre la guerre et la mort. Une excellente série avec une intelligence au scénario comme on a rarement vu. D'ailleurs, Jonathan Hickman est devenu le scénariste chez Marvel là, qui est en train de donner, qui est en train de créer l'univers Marvel qu'on connaît au cinéma et dans les séries télé. Donc, ceci étant dit, S-West Shield d'or pour 2014. Dans la catégorie Bruce Willis, ses fameuses séries d'action, alors tu vas voir, on s'y reconnaît un peu. Le bronze allait à une traduction qui d'un comic américain qui s'appelait The Six Gun, qui est un western avec teinté d'horreur un peu, de fantastique. En deuxième, La Promise de l'ami et Michael, La Promise tome 2, qui, moi, avait consolidé le premier avec cette espèce de western qui, vraiment, là, avait une ambiance à couper au couteau. Mais mon coup de cœur, le Bruce Willis d'or, allait à Warship Jolly Roger, qui était une série de science-fiction faite par le scénariste de Orbital. Là, Orbital, ça t'évoque de quoi? Oui, c'est un classique pour toi. Alors, le premier tome de Warship Jolly Roger était une science-fiction, mais teintée un peu du scénario. En fait, j'avais beaucoup retrouvé le scénario de José Will Otla de Clint Eastwood, le fameux western, ce soldat de la guerre de sécession qui décide de se venger parce qu'il a perdu sa famille et tout. Ça ressemble beaucoup à ça. Alors, une belle série de science-fiction qui s'amorçait avec ce premier tome, alors qui pour moi a été une belle série de 2014, qui a été un premier album d'une série à suivre. On a un prix pour l'humour. Meilleur album d'humour qu'on a identifié par les Max Brothers approuve. On a un bouton avec la tête de Groucho Marx. Et qui avez-vous récompensé? Écoute, c'est unanime, ça ne peut que être ça. Le Max Brothers de bronze allait à Kragen Dragon, qui était vraiment rigolo, un hommage au gig de Trondheim et Sapin, que j'avais beaucoup aimé, et à Édouard aussi, vu qu'on est deux gigs, on avait beaucoup rigolé. Mais le Max Brothers d'argent va au Vieux Fourneau, tome 2, et le Max Brothers d'or va au tome 1, que quand il est sorti, la fraîcheur... C'est les Vieux Fourneaux all the way. Ah oui, c'est le Max Brothers approuve, et vraiment, là, l'année est à ces deux albums-là, vraiment... Écoute, c'est le tome 2, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, puis à le relire, on rigole, là, mais vraiment, là, longue vie à cette série. Édouard, lui, a consacré avec son prix du barbare, il l'appelle le prix du barbare. Alors, son barbare de bronze va à Charlie IX. Ça, c'est le côté historien de mon ami Édouard. Il adore les romans de Tolé, Jean Tolé. Il l'a rencontré, et ça a été un moment marquant dans l'année 2014 pour Édouard de rencontrer cet auteur qu'il adore, qu'il vénère. Alors, Charlie IX est une adaptation en BD de ce roman faite par Guérineau chez Delcourt. Il l'a adoré et il lui a donné Le Barbare de bronze. Le Barbare d'argent est un roman graphique qui est sorti en 2014, mais qui est un des premiers romans de Jonathan Hickman, traduit par Urban Comics. Une histoire de la romantique, mais un peu... À la sauce science-fiction, un excellent truc. Déjà, ça, Pax Romana démontrait les grandes qualités de scénariste de Jonathan Hickman. Mais le premier, Le Barbare d'or, va à Elric, tome 2. Chaque tome que sort, Édouard m'en parle, chaque tome que ça, le dessin, le scénario, c'est quelqu'un... Édouard a lu la série Elric en roman de fantasy et il a adoré le tome 2. Le prix Jane Austen, pour ce qui est de Anne-Marie, alors elle a donné le bronze à Mort du Tsar, tome 1. Elle a donné le d'argent à La Guerre des Arts de Desharnais, qui s'est mérité au cours de l'année, je te le dirais, le prix Max Brothers un peu. Là. Moi, j'y ai mis un Max Brothers, j'ai beaucoup rigolé. Mais son Jane Austen d'or va à le roman graphique de O'Malley, Second O'Malley, c'est celui qui avait fait le truc de... Ah, zut. Et en terminant? En terminant, le Mousquetaire d'or, pour ce qui est du Mousquetaire d'or, tout le monde est unanime. On avait donné le bronze à l'aliéniste, l'argent à Moby Dick, tome 1. Mais l'or va à... Tout le monde est unanime. Je pense tout, c'est Mort au tsar de Nuri et Robbins, le tome 1, qui était un cran au-dessus de la mort de Lénine, qui a vraiment été un bel album, et on attend le tome 2 avec impatience. Alors voilà, petit regard donc sur les récompenses qui ont été données par l'équipe de la librairie Pantoute. Si les gens veulent les voir, d'ailleurs, en fait, ils se présentent à la librairie. Ils sont dans la vitrine de la librairie, voilà. Ils sont tous, on a le panneau qui les affiche. Et en plus, on peut aller faire un petit coucou. Voilà. Voilà. Marco Duchesne, merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt. Et nous, ben, ce sera tout pour l'édition de cette semaine de La Vie en BD. Dans quelques instants, c'est la gang de Swing Out qui va s'installer avec les Bleus Pelouses en prestation d'ailleurs. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine.